gibt es zwei Möglichkeiten. Eine vornehme und eine populäre. Populär. Populär. Populär. Woher ist es hier? Man muss zahlen? Man muss hier bezahlen, ja. Ah, das ist sehr kompliziert. Das ist das Menü. Moment. C'est moins cher. Ah, très joli. Oh, nochmal. Nochmal. Moment. Oh, gut. Das hängt da immer, dieses. Ja, ich weiß. Wie viele Personen sind da denn? 5. Okay. Ja. Ouf. Okay. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, c'est ce problème avec les tickets. On mange ça maintenant, les tickets. On mange les tickets. Okay, qu'est-ce qu'on fait? Ah. Ah, bonjour. Si. Non, non, salut. C'est une blague. Tu vois ça? Tu vois spaghetti, mon ami? Ça va bien? Spaghetti, la sauce tomate. Salade. Schnitzel. Salade de coq. Oh, pardon. Das ist aus? Das Schlank ist aus. Ja, die Mailand und die zwei letzten, das ist aus, gell? Ja, pas. Ja. Il y en a plus. Alles andere ist da, gell? Ça, là, oui, oui, ça. Ja, das ist oui. Alles da. Hm? Là, jusque là, bon. Alles da, kann man sagen. C'est bon. Machen Sie bitte alles zusammen, dann komme ich her, nehme es auf und dann geht es schneller. Euch nehme ich den Tisch hier nebenan. Ja. Gell? Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Tête de veau, de bœuf. Une tête de veau? Après tout ça, c'est une tête de veau. C'est comme Fernand, c'est l'histoire de Fernand. Schubert, Rossini, Brahms, Jules Massenet. Jules Massenet. Jules Massenet, französischer Komponist. Eins. Viermal dann. Et lui, je sais pas. Also fünfmal die Eins, ja, gell? Ja. Ein Menü zwei. Gut. Ich habe einen Pilz. Und zu trinken? Pilz. Pilz. Ein Pilz. Ein Pilz. Pilz. Pilz. Pilz. Pilz. Und Wein. Wein. Okay. Wein blanc. Blanco. Blau de blau. Blanc de blanc, oder? Vous avez deux terrains, hein? Paris et Narbonne. Hein? Ce sont des différents. Eh oui. Les civilisés. Et les sauvages, les barbares. C'est les barbares. Mais tu vas dire qu'on est des barbares chez nous. Oui, oui, absolument. Les barbares, un peu. Les barbares sont bien utiles à la civilisation. Hein? Ah, ça c'est vrai. Il faut renouveler le sang. Ça c'est vrai, oui. Parce que sans les barbares, la sensualité du Nord. Hein, oui, mais Paris, c'est pas le Nord, c'est le centre. Paris, c'est le Nord. Paris, c'est le centre, c'est le Nord. Ah, vous... C'est la réunion de toutes les sensualités, Paris. Paris, c'est la réunion. Là, tu l'as dans le cul. Hein. C'est la réunion de toutes les démagogies, Paris. À Paris, il y a tous les démagogues. Tout dépend s'il habite au sud de Paris ou au nord de Paris. Porte d'Italie, j'habite. Alors là, il fait toujours beau. Il y a pas de... En plus, il n'y a pas de cerf. Il n'y a pas de vent là-bas. Einer muss noch fehlen hier, weil ja, fehlt noch. Ah, merci. Entschuldigung. Tut mir leid, ich habe nicht mehr Platz. Ouais. Oh, ça, Comblé, oui. Tout ça, ça. Das ist eine gute Methode. C'est difficile, hein? Oh, pour s'en sortir. Ambiance de mort, parce que c'est le contraire de la vie. De l'érotisme, c'est le contraire de la vie aussi. C'est le contraire de la sensualité. C'est le contraire de tout. J'ai failli rester. Hein. Aussi le contraire de la femme. En fait, parce que vous êtes la seule femme ici, alors il faut bien parler un petit peu pour vous. Oui. Non, non. Ah, non, moi je suis très féministe. Hein. Oui, moi aussi. Oui. Tous. On est tous très... Ah oui, mais eux, ce sont des féministes occitans, c'est tout à fait différent. Ce sont des féministes machistes. macho-féministe. Macho-féministe. Voilà, chez nous, c'est macho. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Oui, macho-féministe. Voilà, chez nous, c'est macho. C'est là-bas. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho-féministe. Macho Si, si, j'y vais. Oui, j'y vais. Voilà, chez nous, c'est macho. Macho, c'est là-bas. Macho. Macho. Non, macho. Macho. Macho. Macho. Macho féministe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Den Pfennig kann ich Ihnen geben, wenn es einfacher ist. Keine Macho. Danke. Sie hatten die 1? Non, alors moi, menu 1 und Bier. Et ça. Bier und ein Brot, ne? De quoi? Un pain. Oui. Das Brot nehmen Sie, gut. Eins in der Bier dann, ne? Ouais. So, das werden 8 Mark, wenn 10 Mark 50 bitte. Ouais, alors, ça fait combien? Ich habe keine Zeit, ich muss raus in die Küche, tut mir leid. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais t'as pas un tu payes. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Tu payes. Bifil? Bifil? Qu'est-ce que tu prends? Deux? Un pain. 10,50, c'est sûr qu'elle a dit ça? Thank you.